réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment 6 heures? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de vous réveiller avec France Culture et Un autre jour est possible en ce vendredi 4 septembre. Dans un instant, le dernier épisode consacré au succès littéraire mondial de la trilogie de Stieg Larsson, Millennium. Aujourd'hui, 5e et dernier épisode avec Guillaume Lebeau. Et puis en deuxième partie, c'est l'actualité de la bande dessinée comme tous les vendredis. Michael Blomqvist, le journaliste de la revue Millennium, a été condamné ce matin. Millennium, une affaire de sous, parce que une fois que le succès de cette trilogie, de cette saga, a été total et mondial, les industries du cinéma, de la télévision sont arrivées en courant derrière ce phénomène. Et aujourd'hui, une affaire d'argent, Millennium, sans aucun doute, comme toute affaire de best-seller. Il faut simplement remettre finalement les choses dans l'ordre. Quand Millennium est publié, le succès n'est pas immédiat. Hein. Faut bien se rappeler de ce qui s'est passé. Quand Millennium est publié, on n'est pas face à une traînée de poudre qui s'enflamme immédiatement. C'est un petit peu long. C'est un petit peu long. Ça se vend bien, mais on n'est pas du tout dans les scores qui vont être ceux qui vont venir 2 ans plus tard. Mais il y a un mécanisme qui en Suède se met en place, qui est celui de, à partir du moment où un roman fonctionne bien, il est acheté par la télé suédoise et on l'adapte. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande tradition d'adaptation en fait des romans, et notamment des romans policiers, par la télé suédoise. Comme partout ailleurs, je dirais. Oui, mais c'est un peu plus marqué chez les Suédois qui s'en sont fait une spécialité. Il y a d'ailleurs un grand producteur suédois qui dont la devise est on transforme les best-sellers en blockbusters. C'est une tradition chez eux, beaucoup plus ancrée que chez nous, et notamment sur les polars, spécifiquement sur l'univers des littératures policières et criminelles. Donc, avant même que le succès éclate, on est face à une adaptation de la télé suédoise pour une série télé. Le succès arrive, succès international, et là, la télé suédoise se dit bon, il y a peut-être qu'on a mis les choses un peu à l'envers, on va faire une série, il faudrait peut-être faire un film. Donc, mais alors, avant d'arriver au film, justement, vous trouvez pas ça étrange, Guillaume Lebeau, qu'une série littéraire, une trilogie littéraire influencée par des séries télé, va devenir une série télé? C'est très facile d'adapter pour la télévision Millennium, qui lui-même est sous influence, ou du moins on croit avec le recul qu'il est sous influence des séries télé, puisque quand il est publié pour la première fois en Suède, en 2005, c'est déjà l'âge d'or des séries télé. Alors, c'est une question qui aujourd'hui... Il faut bien voir comment on écrit aujourd'hui. On écrit de plus en plus en littérature comme on écrit pour l'audiovisuel. C'est-à-dire que très clairement, maintenant, des générations entières de romanciers sont influencées par des grandes séries télévisées. Donc, c'était le cas pour les modèles d'écriture. J'ai pas l'impression que c'était un grand lecteur de polar. Mmh. Moi, dans les informations que j'ai pu recueillir, je n'ai pas le sentiment que c'était quelqu'un qui regardait énormément de séries télé. Déjà pour une simple et bonne raison, c'est qu'il avait très peu de temps, il travaillait beaucoup, je le rappelle. Et pour regarder des séries, il faut avoir, et on le sait tous, il faut avoir quand même un petit peu de temps devant soi ou être insomniaque. Donc je suis pas... Je suis pas certain qu'il était un fan de séries télévisées ou qu'il regardait des séries télévisées. Par contre, il consommait beaucoup de littérature anglo-saxonne et de polar anglo-saxon. Et je pense que l'écriture des polars anglo-saxons, on le sait très bien depuis maintenant une trentaine d'années, c'est une écriture qui est audiovisuelle. C'est une écriture qu'on apprend à l'université, c'est ce qu'on appelle le storytelling. Le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires, et l'art théorisé de raconter une histoire. Donc on est là dans de la technique, hein. C'est, on vous apprend à raconter une histoire comme on construit une maison, avec des outils pour le faire. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui, effectivement, on est face à une littérature qui ressemble de plus en plus finalement à des scénarios, ce qui d'ailleurs n'est pas un jugement de qualité, hein. Je dis juste que dans les techniques, les romanciers utilisent des techniques qui sont normalement l'apanage des scénaristes. Je crois pas qu'il y ait de... Je crois que si Stieg Larsson a écrit Millennium comme une série, je pense que c'est essentiellement dû à l'influence et à la porosité de ces lectures de polar anglo-saxon. Je crois que c'est essentiellement dû à ça. L'homme qu'Harriet a vu dans la rue, lors du défilé des enfants, le matin de sa disparition. C'est Martin Wenger. Bonsoir, Michael. C'était plus fort que toi, hein? Fallait que tu viennes fourrer ton nez ici, c'est ça? C'est moi. Il va commencer avec toi. Michael, je suis pas là, laissez-moi. J'avais 16 ans. C'était la première fois que j'avais une femme pour moi. C'est moi qui l'ai étranglée. Mon père m'a tout appris. Harriet! Harriet! Enfin, cette foutue Harriet! Ce n'était qu'une pétasse ordinaire. Martin, cette fois ta carrière est terminée. C'est le succès qui finalement a amené Millennium à devenir ce qu'il n'aurait jamais dû être, à savoir une marchandise. Je ne dis pas que Millennium ne devait pas devenir un best-seller. Même Stieg Larsson était convaincu que Millennium deviendrait finalement un best-seller. Et puis il y a des adaptations plus heureuses que d'autres. Je ne pense pas seulement à l'adaptation par France Culture de Millennium. Oui, adaptation radiophonique qui est une adaptation théâtrale. Hein. On l'oublie encore plus que celle radiophonique, mais il y a une adaptation au théâtre. Donc le tour des adaptations étant fait, il faut bien évidemment penser que on alimente en fait la pompe avec les droits, ce qu'on appelle les droits dérivés. Les droits dérivés, c'est les droits d'adaptation. C'est les droits d'adaptation BD, les droits d'adaptation cinématographique, théâtraux, radiophoniques. Ces droits, en fait, ils se représentent souvent beaucoup plus d'argent au volume que les ventes nettes des livres quand on est face à des best-sellers comme Millennium. Pour alimenter cette pompe-là, très clairement, il faut fournir régulièrement des nouveautés pour donner envie au cinéma d'adapter, à la radio d'adapter et pourquoi pas à la BD, aux comics. Donc c'est ce qui s'est passé par exemple pour Henning Mankell avec Wallander. À nombreuses reprises, Henning Mankell a dit qu'il en avait assez de son Wallander et qu'il voulait arrêter. Mais il était prisonnier de la série Wallander qui marchait vraiment très très bien à l'international et il fallait qu'il fournisse des nouveautés à chaque fois. Sauf que Wallander, lui, a eu de son vivant l'intelligence de dire que cette fois-ci, c'était bon, Wallander s'était terminé, et il a eu l'intelligence de clôturer, en fait, son cycle. Donc, là, de son vivant, il n'y reviendra pas. Pour ce qui est de Stieg Larsson, la problématique, c'est que Stieg Larsson n'a pas eu le temps de dire, de laisser, en fait, un testament où il aurait expliqué, par exemple, qu'il ne voulait pas qu'on poursuive les aventures de Lisbeth Salander et Glockvis s'il venait à décéder, ou alors de nous dire le contraire. Donc là, on a laissé totale liberté, finalement, je dirais, à l'édition libérale de s'exprimer. L'édition, c'est aussi un business, hein, c'est une industrie. On ne peut pas lui reprocher de vouloir faire de l'argent en vendant des livres, donc en vendant de la culture. Hein. On est toujours en train de se plaindre que les gens ne lisent pas, alors quand un éditeur réussit à faire lire des millions de gens, on ne va pas lui reprocher. Par contre, on peut lui reprocher de faire du business n'importe comment, on peut lui reprocher de faire du business de façon immorale. On peut lui reprocher de ne pas être honnête et de ne pas dire quand il fait du business. Parce qu'après tout, il n'y a pas de mal à dire, voilà, je fais du business. Les choses comme ça sont claires, elles sont... le lecteur n'est pas floué, il sait qu'il va acheter quelque chose qui est de l'ordre de la marchandise. Moi, on le sait à peu près, Guillaume Lebon. Non, il s'est écoulé 10 ans depuis... Non, là, les gens vont acheter Millennium 4. C'est un mensonge. Millennium 4, ça n'existe pas. Millennium 4 n'existe pas. C'est Millennium Copyright 4 maintenant. C'est pas le Millennium de Stieg Larsson. Et les gens vont croire, pour la plupart, qu'il s'agit du quatrième manuscrit que Stieg Larsson a écrit et qu'on publie. Les gens, ils vont pas se poser la question de savoir si c'est Stieg Larsson ou pas. Ils vont voir Millennium et ils vont se dire, chouette, c'est le fameux quatrième qu'on attend depuis tant de temps. Mais alors, qui ne sait pas, à l'heure qu'il est, que ce Millennium 4 n'est pas écrit par Stieg Larsson? Je pense que, contrairement, et j'aime votre optimisme, mais je pense que, contrairement à ce que vous pensez, la majorité des gens qui ont lu Millennium vont lire Millennium 4 en pensant qu'il s'agit du quatrième tome écrit par Stieg Larsson. Et je pense que si on ne les informe pas, ils ne seront pas au courant de ça. Et je pense qu'il y a là de la malhonnêteté à jouer sur ça, à jouer sur Millennium 4. Voilà. Moi, je pense que l'honnêteté aurait été de dire, nous sortons les nouvelles aventures de Lisbeth Salander et Michael Bengvist, elles ne sont pas l'œuvre de Stieg Larsson. Voilà. Ce n'est pas Millennium. Ça ne peut plus être Millennium. Parce que Millennium, c'était Stieg Larsson. Ça fait un peu trop hein, pour un bandeau. Ça fait beaucoup pour un bandeau, mais par contre, pour une quatrième de couverture, c'est possible, et pour un communiqué de presse aussi. Donc, on a toujours l'espace, en fait. On a toujours l'espace pour communiquer. Mais il faut avoir la volonté de communiquer, et de communiquer de façon vraie. J'ai du mal à considérer, aujourd'hui, qu'on puisse faire de l'argent sur le dos de quelqu'un qui n'en a jamais gagné durant sa vie, et qui était profondément convaincu que qu'une société qui se construit sur l'argent était une mauvaise société. Et aujourd'hui, sur le dos de cette personne morte, qui est Stieg Larsson, on sort un livre pour faire de l'argent. On ne sort pas un livre pour honorer sa mémoire. C'est pas comme si on sortait 300 pages qu'il avait commencé à écrire et qu'on donne au public parce que voilà, c'est un manuscrit inédit, c'est vraiment lui, c'est ce qu'il a, et on vous le donne, ça a une valeur, ça aura une valeur d'ailleurs très intéressante. Moi, j'aimerais beaucoup lire ces pages-là parce que elles nous enseigneraient beaucoup sur ce que Stieg Larsson avait l'intention de continuer. Ça, c'est pour le quatrième manuscrit, on en a parlé hier, mais Guillaume Lebeau, est-ce que vous pensez que si aujourd'hui on sortait tout Stieg Larsson, c'est-à-dire ses critiques musicales, ses articles de presse, on achèterait ça comme on achète Millennium? Alors je pense que si aujourd'hui on publiait, déjà si on commençait par traduire ses ouvrages politiques, ce serait une bonne chose. Certes l'audience serait réduite, mais au moins on commencerait à comprendre qui est Stieg Larsson. Je pense que plus on publiera en fait sur Stieg Larsson, plus on parlera de Stieg Larsson, et plus on comprendra ce qu'est Millennium. Et à partir de là, je pense que les gens pourront librement se faire une opinion de la pertinence ou pas de sortir un nouveau Millennium. Je pense qu'on peut tout publier, on peut tout faire, on a le droit de tout faire. Et ils ont le droit légal de le faire, donc on ne va pas leur contester. Mais il y a un moment, se posent des questions éthiques, des questions morales que s'est posée toute sa vie Stieg Larsson. Comment prétendre qu'on honore la mémoire finalement de Stieg Larsson si on ne respecte pas ce qu'il était? Et si, pour comprendre ce qu'il était, je pense qu'il faudrait effectivement traduire, publier, mettre à disposition du public la somme de ce qu'il a pu lui-même écrire de son vivant. Et Guillaume Lebeau, pour notre série de cette semaine, disponible désormais sur franceculture.fr à la page de l'émission « Un autre jour est possible ». Millennium, autopsie d'un succès mondial. Merci Guillaume Lebeau. Je rappelle que vous êtes spécialiste des romans policiers, auteur vous-même, et que vous avez écrit autour de la série Millennium, le mystère du quatrième manuscrit et Stieg Larsson avant Millennium. Merci beaucoup. Merci à vous. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. vendredi, dans Un autre jour est possible, on consacre la deuxième partie de l'émission à l'actualité de la bande dessinée qui se porte très bien, merci. Cette rentrée est marquée par des grands revenants. Corto Maltese, ressuscité 20 ans après la mort de son géniteur, et ce n'est pas Johann Sfar ni Christophe Blain qui vont redonner vie aux marins aventuriers, même s'ils ont été un temps en course pour la reprise, on l'a appris cet été à travers une correspondance plutôt enfiévrée entre Johann Sfar et le directeur de Casterman. Et c'est finalement un duo espagnol, Juan Diaz Canales, le scénariste de Black Sad, et Ruben Palejero, qui ont été choisis pour poursuivre la série Corto Maltese. Autre revenant, autre surprise, le super Dupont, Franchouillard d'Alexis, qui revient sous la plume de François Bouc et sous la surveillance de Gottlieb lui-même. Et toujours dans la série, ce n'est pas parce que leur créateur est mort qu'ils ne vont pas continuer leur vie de papier. On annonce un Astérix pour octobre, Astérix et le papyrus de César, suivi d'un Lucky Luke, et aux surprises, Tiff et Tondu, repris par Blutch. Sinon, pour les séries avec des auteurs bien vivants, Johann Sfar prolonge avec bonheur les aventures du chat du rabbin. Il est jaloux et malheureux que sa maîtresse Zlabia soit enceinte. Il y a l'autre chat, le chat de Gelluc, qui est prévu aussi et qui revient comme tous les Noëls, tout comme le Largo Winch de circonstance. Toujours dans la catégorie poids lourd, Zep a décidé de faire grandir Titeuf. Il viendra nous en parler vendredi prochain. Et enfin, dans la catégorie « Vous les entendrez bientôt aussi ici », Cyril Pedrosa, qui l'offre Zina Abirached. Et côté patrimoine, la réponse est oui quant à la question « Y aura-t-il du Tintin à Noël ?» avec même une adaptation d'une aventure du célèbre reporter du Petit XXe à la radio. Quelle radio ? Mais enfin, quelle drôle de question ! France Culture, bien sûr. Et du Franquin alors, est-ce qu'il y en aura ? Oui, et pour tous les goûts, y compris pour ceux qui connaissent Modeste et Pompon, le couple de jeunes yéyés créé par André Franquin, le temps d'une parenthèse. Et ceux qui ne connaissent pas devraient profiter de la belle réédition des aventures de Modeste et Pompon dans le beau livre que vient d'éditer Le Lambard. Et dans un instant, Isabelle Franquin, qui participe à ce livre et qui est la fille de qui vous savez, sera mon invitée. Dessiner est une activité d'enfant, hein. Les enfants dessinent et s'amusent, et moi je vais continuer. Et si quelqu'un perfectionne un peu, s'il a un petit don du dessin, il perfectionne son dessin, rien que de représenter des choses, c'est passionnant. Ouais. Bonjour Isabelle Franquin. Bonjour. Merci d'être venue nous parler de l'intégrale des aventures de Modeste et Pompon, imaginée par votre père André Franquin, une belle collection du Lambard. Ils veulent faire exactement comme Dupuis, quoi. Ils veulent faire de beaux livres où ils rééditent les planches. Or, si j'ai bien compris, Modeste et Pompon, c'était une déclaration de guerre de votre père André Franquin à Dupuis, qui est allé voir en face, c'est-à-dire le journal Tintin, pour leur proposer des aventures contemporaines, pour le changer un peu. Effectivement, oui, c'est exactement ça. Et donc il a été voir la concurrence, chose qui ne se faisait absolument pas à l'époque. Ça a été au grand dam de Charles Dupuis. C'est assez fascinant de voir dans l'intégrale ce qui se passe entre la rivalité entre les deux éditeurs pour garder l'auteur et puis reprendre l'auteur. C'est assez fascinant. Et puis votre père a décidé d'être tout à la fois fidèle au journal Tintin qui a accepté, oui, Modeste et Pompon, et très fidèle à Dupuis, puisque, oui, finalement cette brouille ne va pas durer longtemps, très peu de temps. Cette brouille ne va pas durer longtemps parce que Charles Dupuis s'est aperçu que effectivement mon père était passé aux actes, donc il avait été voir la concurrence, en l'occurrence Raymond Leblanc. Et puis donc, il a tout fait pour le récupérer. Et comme mon père était un homme de parole, il s'est retrouvé mis à contribution doublement, puisqu'il continuait à animer le journal de Spirou, animer donc les bandeaux de titres et toutes les petites publicités, des tas de petites interventions qu'il faisait dans le journal ponctuellement et qui lui prenaient tout de même du temps. Et il a continué les aventures de Spirou et Fantasio. Et puis, il s'est mis à carburé sur une idée avec Yvan Delporte qui l'écoutait et qui a fait un peu le avec lequel ils ont commencé à imaginer des interventions, et Gaston est apparu 2 ans après le début de Modeste et Pompon. Donc ça faisait à la fin des années 50, ça faisait Modeste et Pompon, Gaston, Spirou et Fantasio plus les petites interventions. Si vous regardez la somme de travail, si vous analysez la somme de travail que ça faisait, c'est incroyable. Est-ce qu'il a pris le temps de s'occuper de vous, par exemple ? Ah oui ! Oui, c'était parce un père adorable. Vous êtes né en même temps que Modeste et Pompon, si mes calculs sont bons. Au milieu de la série. Au milieu de la série. Mais avec c'est moi, la petite fille, qui tient le journal de Spirou dans la carte de vœux qui se trouve à la fin du dossier sur la brouille éditoriale de Charles Dupuis et de mon père. Voilà. Alors, il y a quelque chose de bien. À chaque malheur, il y a un contrat à tirer. En tout cas, ce qui est bien, c'est que... C'est amusant, je vous interromps. Désolé, mais c'est déjà une affaire de contrat. Oui, c'est drôle. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il a, votre père a transformé ça en gag récurrent pour Gaston. Oui, tout à fait. Mais le plus drôle dans toute cette histoire, c'est qu'il était tout à fait nul pour la lecture et la signature de contrat, comme on le voit dans l'intégrale d'ailleurs. Est-ce qu'on peut dire qu'André Franquin, c'était le dessin qui l'intéressait le plus? Parce que moi, j'étais très surpris d'apprendre que pour Modeste et Pompon, il avait juste les personnages, il n'avait aucune idée de comment les faire évoluer dans le journal Tintin. Eh bien, c'est-à-dire que c'est arrivé tout de même, ça a été très brutal, finalement. Autant la genèse de Gaston a pris une forme tout à fait originale et atypique dans la bande dessinée de l'époque, et pour la bande dessinée tout court d'ailleurs, mais autant Modeste et Pompon, il a dû faire ça au pied levé. Donc il s'est retrouvé avec un gag en une planche, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Et puis heureusement qu'à cette période-là, il y avait d'excellents scénaristes. Il y avait d'excellents scénaristes, et j'en passe, ouais. Oui. Et Goscinny, mon Dieu, comment je peux oublier Goscinny. Et Goscinny, oui. Mais en fait, il a commencé d'abord avec ses propres scénarios, et puis c'est vrai que il avait besoin d'être épaulé, parce que d'abord, c'est vrai que la genèse des personnages avait été assez brutale. Il n'avait pas eu le temps de peaufiner les caractères. Et ça se voit notamment avec le personnage de Félix. Mmh. Félix, dont la première apparition est tout de même, on voit un garçon très timoré qui tient son chapeau d'une manière très respectueuse. Et à la fin, voilà, c'est le pire emmerdeur qui soit et qui vous propose des objets farfelus, des produits miracles qui ne font pas de miracles, au contraire. Donc c'est une... Je veux dire qu'il n'y a rien de commun entre la première apparition de Félix et l'évolution du personnage. En tout cas, ça a donné une occasion à votre père, André Franquin, à travers Modeste et Pompon, de parler enfin de la société contemporaine, du début des Trente Glorieuses, oui. Parce qu'on est là dans la consommation des nouveaux appareils, des voitures, ne pas oublier les voitures pour Franquin. Mais il n'en a qu'une, et ce n'est pas spécialement une voiture récente. Ah, pour Modeste, bien sûr, on est d'accord. Mais c'est assez drôle. Mais toutes les voitures, c'est vrai. C'est vrai. Mais la modernité, je crois que c'est la seule expérience où il est confronté au monde moderne, votre père André Franquin. Dans Spirou et Fantasio, il y a déjà des très belles voitures. Il y a la turbotraction, Zorglub roule en Citroën, en DS, je pense. Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'était son... Dessiner une voiture, c'est un plaisir. Dessiner une belle voiture, pour un dessinateur, c'est un plaisir. Et puis, c'est vrai que c'était son mobilier aussi. Il avait du goût pour le mobilier contemporain. D'ailleurs, un des sièges italiens a reçu un prix à la foire de Milan en 1954, si mes souvenirs sont bons. Donc, c'est vraiment du design très contemporain. Et moi, je vois ça un peu comme réaction par rapport à toute cette période de guerre, puisqu'il est né en 1924, donc il a eu 20 ans en 1944. Je veux dire que on sortait tout de même d'une période noire. Je pense que aussi ce choix de mobilier, cet amour pour la musique de jazz, cet amour des belles voitures, c'est jouissons d'une période privilégié, où le progrès est là sans être menaçant. Et travaillant, parce qu'il n'a pas arrêté de travailler. Non, mais il adorait dessiner. Enfin, c'était sa passion, hein. C'était sa vie. Il était du genre à cloisonner entre l'atelier, le travail et sa vie familiale. Non, puisque il apportait sa table à dessin en vacances. Donc il s'installait, il avait une table de camping, une planche et sa petite valise avec son encre de Chine, ses pinceaux, ses plumes et ses crayons de couleur. Et donc il travaillait même en vacances. Il travaillait dans la chambre à coucher. Donc il était vraiment présent et dessinant. Donc il n'y avait pas de cloisonnement. Et parfois, il me demandait, ah tiens, qu'est-ce que tu penses de ceci et ça? Et enfin, voilà. Donc, il me demandait mon avis, même si j'étais toute jeune, parce que c'était pas du tout le style d'homme à avoir à cloisonner les rapports entre enfants, adultes, etc. Il avait un langage commun pour tout le monde, voilà. Avez-vous l'impression, Isabelle Franquin, que vous avez mieux connu votre père une fois adulte et que vous avez lu son œuvre? Non, vraiment pas. Vraiment pas. Quand il était là, il était vraiment là à 200%. Et c'était un père très, très amusant, qui trouvait toujours des petites astuces pour faire rire, pour avaler tel ou tel aliment qu'on ne voulait pas avaler. Mais tout ça avec une grande gentillesse, avec une grande tolérance. C'était vraiment un papa très, très agréable à vivre. La route fleurie qui conduit vers le bonheur, suivons-la toute la vie, main dans la main, cœur contre cœur. Avec vous, petite amie, le chemin sera trop court, car c'est vous que j'ai choisi pour me conduire au grand amour. Modeste et Pompon, qui n'étaient pas les personnages principaux de votre père André Franquin, reviennent et c'est un plaisir de plonger dedans, parce que c'est aussi les années 50 et c'est très très bien résumé. C'est un aperçu extraordinaire de ces années d'optimisme béat. Oh, pourquoi béat? Parce que, en fait, on ne sait pas du tout vers. On pense qu'on va vers un progrès qui sera toujours. Mais il a duré au moins une trentaine d'années, le progrès. Oui. Allez. Mais c'est une période unique dans l'histoire, je pense. Oh, non? On va dire que d'autres belles périodes nous attendent. Oui, on espère. Merci d'être passé ce matin, Isabelle Franquin. Merci à vous. Chaque fleur dans la prairie, chaque oiseau au fond des bois, chante la route fleurie, que nous suivrons vous et moi. Suivons la route fleurie, suivons-la toute la vie, le cœur en joie, vous et moi.